tua pussy ancora. Per il juice implora. Alza la testa e vola, è buona ancora, ancora. Dai e ti vengo in bocca, non serve il preservativo. La giro in giro, la vita mi prende in giro. Mi sollevo senza sollievo, senza respiro. Faccio un giro, per dormire serve un chilo. Tanto tipo mi fa il cibo, mi fa schifo. Sulla porta a Porto Rico, una bomba che esplode. Sopra il cazzo si muove, hai perso al gioco game over. Dalla seconda aumenta la dose. Bitch, è già lì sul beat. Bitch, conosco le skills. Chiama, servono bills. Oh la coca, le tasche piene di roba. Segui il mio ritmo, vai in coma. Faccio ma perché non osa. Tous les jours c'est gang gang. Deux démarres avant Kong sur les meubles comme Kong. Banane ceux qui parlent mal. Tu t'inventes des vies, gros t'es dans des nids. L'argent ça m'embellit. Viens on zappe les prélits, tu me connais, je suis pressé. Dans sa chatte précis. Gros le temps est précieux, t'es pas trop paresseux. Tout ton cul fait pas mieux. Ah gros je crois t'es myope, tu vois pas ce qu'on fait. Gros c'est bordel. Sur scène au sud, quand on fait le cocktail. La livrette en top case. J'encaisse, j'encaisse, elle veut me voir le soir. Comme lueur d'espoir. Dans la brosse on se part, phénomène dans les ports. Crois pas, je viens les parts. Crois pas, je viens les parts et préviens l'église. Je prends ma pièce sur demi. Je prends ma pièce sur demi. Crois pas, je viens les parts. Crois pas, je viens les parts et préviens l'église. Je prends ma pièce sur demi. Je prends ma pièce sur demi. J'suis pas instable. J'suis pas trop chaud. J'sais pas, j'constate. Y'a des buts en bas des blocs. Y'a des usurpateurs. C'est des buts en bas des blocs. Des buts en bas des blocs. J'ai pas de club et j'ai pas de club. Fesse en fesse. Et puis j'ai pas de concesse. Tu m'avais dit que t'avais le compte en Suisse. Et t'avales bien quand tu suces. Eh hey, toi, cesse. T'as niqué le consensus. On peut t'enlever le tendancius. Quitter ta sacoche et prendre tes sous-sous. Tu m'as déjà vu sous Win. Ride dans ma sacoche par rire. T'inquiète, on prend le parir. De toute mon équipe a fait par rire. J'sais pas, j'constate. J'suis sauvage comme Alan Paris. J'suis dans stage. Et pourtant j'suis pas très riche. J'sais pas pourquoi j'me prends la tête. J'ai juste envie de faire la fête. Peut-être que j'me mens. Ou peut-être que j'te mens. J'voudrais faire ça constamment. De toute façon je fais déjà. On fait déjà plus de son que tes potes. Et elle s'est remariée. La pute elle voulait du sexe. Trop épouvantable pour toi mes passes. Elle voulait pourtant mes potes. Et si je voyais faire le mal autour des miens. De la mailler pour le bien. Elle veut accéder au trésor. Et quand nos voix résonnent, on a plus l'air d'être en désordre. À la mort comme Jason. Balade à la morgantine. Ah gros bâtard. Prends pas, pas bâtard. Tu laisses ma photo et